Flash Tone en concert à la boîte à musique de Waterloo ce dimanche 28 juin dès 20h30. Retrouvez-y le meilleur de la scène pop rock garage en provenance des États-Unis. Infoline 0320 02 24 71 ou sur myspace.com/flashtones. Flânerie campagnarde au rythme des sabots ce dimanche 10h au départ du centre équestre de Waterloo. Au cours de cette balade, vous aurez le plaisir de parcourir le cœur de la campagne waterloosienne et de découvrir les richesses du patrimoine rural. Petite âne, poney et chevaux du Boulonnais vous accompagneront pendant cette escapade. Inscription, Office de Tourisme, Waterloo, 0320 75 85 86. À découvrir actuellement et jusqu'au 30 août au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq, on vous promet la Lune dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie. Au programme, conférences, mini-concerts, spectacles et séances de planétarium. Plus d'infos, 0320 19 36 36 ou sur le site web forumdépartementaldessciences.fr. Toutes ces infos et bien d'autres encore sont disponibles sur galaxyfm.com. Cliquez Info Régionale Galaxy. Galaxy. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. J'implore votre grande dame. Pardon, monsieur Manhattan. Je vous demande pardon. Continuez pendant une demi-heure. Viens avec moi, soulier. Pardon. Va dans la cabine et enlève ton pantalon. Je ne veux entendre qu'une voix. Sur Galaxy.

Galaxy. Come on. Come on.

Jax Anatomy. I am Jax Anatomy. I am Jax Anatomy. I am Jax Anatomy. I am Jax Anatomy. I am Jax Anatomy. At first, you bring a little bass. Pump it up. Then the tweaks. They liven up the pace. Pump it up. The hats. To give a little groove. Pump it up. Clap. It makes the people move. Gotta make the earth shake. Moderne sur Galaxy. Go. We'll be right back.

Oh,

Ghettomania. Manhattan sur Galaxy. So a scenario comes alive. Gettomania. Manhattan sur Galaxy. Burn. Gun. motherfucking bill, my motherfucking bass in your face. Fucking bill, my motherfucking bass in your face. Fucking bill, my motherfucking bass in your face. Feel my motherfucking bass in your face. Fucking bill, my motherfucking bass in your face. Feel my motherfucking bass in your face. Ghetto Mania, Manhattan sur Galaxy.